Bonjour, excusez-moi. La rubrique d'Aimé Bonaparte, ce serait pas ici? Non, il me semble que ici c'est plutôt la rubrique agenda. Merci beaucoup. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Et vous en prie. Excusez-moi, au revoir.